Adieu la belle, au cœur léger. Moi je m'en retourne chanter. Moi je m'en retourne rêver dans mes sentiers. J'emmènerai les belles au bord de l'eau. Je chante.